L'enseigne au néon à l'entrée du bouge éclaire la chambre noire d'une lueur rouge quand descend le soir. Et dans cette chambre rouge y a un grand type noir avec une fille rouge en robe de soie noire. L'enseigne au néon à l'entrée du bouge éclaire la chambre noire d'une lueur rouge couleur d'abattoir. Et dans cette chambre rouge y a le grand type noir qui boit du gin rouge comme un entonnoir noir, tandis que la fille rouge se remet du rouge noir. L'enseigne au néon à l'entrée du bouge éclaire le type noir qui se met à rire rouge et se resserre à boire, tandis que la fille bouge ses hanches de soie noir au rythme d'un blues qui sort du bouge noir. L'enseigne au néon à l'entrée du bouge bat comme un cœur noir, le type se fait tendre rouge, la fille dit non noir, qu'est-ce qui te prend rouge, lui demande-le noir qui voit soudain rouge. C'est parce que je suis noir, non, dit la fille rouge. C'est parce que t'es noir.